pied de bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant. Griffant le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Dans les ruelles d'un coup sec, un volet, deux volets, trois volets claquent au vent. Et faisant une ronde avec un enfant, deux enfants, trois enfants dansent gaiement. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde, que le soleil inonde de ce reflet doré. Mon Dieu que j'aime sous l'air de mes oranges, tous les visages d'anges des enfants du Pirée. Je rêve aussi d'avoir un jour un enfant, deux enfants, trois enfants jouant comme eux. Le long du quai flâne toujours un marin, deux marins, trois marins aventureux. De notre amour on se fera un amour, dix amours, mille amours noyés de bleu. Et nos enfants feront des gars que les filles un bonjour à leur tour rendront heureux. Mon Dieu que j'aime